Pour ceux qui le connaissaient, ses amis, il était Ludovic. Pour les autres, il était l'horrifique, enfant toxique. Il adorait l'ammoniaque et l'amiante, et la fumée du tabac. Ce qu'il respirait en guise d'air aurait étouffé n'importe qui sur terre. N'importe qui sur terre. Son jouet entre tous préféré était une bombe aérosol. Il l'a secoué, assis bien tranquillement sur le sol, évaporisé toute la sainte journée. Il s'enfermait dans le garage, dans le gel du matin, et attendait patiemment. Derrière la voiture, le démarrage, qui l'emplirait bien de gaz d'échappement. La seule fois, l'unique, où je vis l'enfant toxique pleurnicher, ce fut quand du sérum physiologique dans son œil alla se nicher. Un jour, bain d'air pur, on le mit dans le jardin, en pleine nature. Son visage prit une mortelle pâlure, son corps devint tout dur. Ainsi s'acheva sa brève existence, dans la maladie et la désespérance. Qui pourrait croire qu'on meurt en se gonflant d'air pur en abondance? L'âme de Ludovic de son corps s'élança et nous dit une prière en silence à sa mémoire. L'âme alla au ciel dans une zone où elle laissa un trou dans la couche d'ozone.